France Info. France Info. Clémentine Bacry et Adrien Normier viennent de boucler un tour du monde en avion ultra léger. En un an, ils ont visité ainsi 35 pays. En échange du gîte et du couvert, ils ont offert leur service aéronautique à des scientifiques, des chercheurs qui n'avaient pas les moyens de se payer un avion ou un hélicoptère. Les deux jeunes gens ont ainsi pu venir en aide à une quinzaine de missions scientifiques, même si parfois l'administration rigide dans certains pays a failli les bloquer au sol. Après la Malaisie, on devait aller au Laos et au Vietnam où il y avait une mission scientifique qui nous attendait. Malheureusement, la météo ne nous permet pas de nous poser, donc en plein vol, on décide de se dérouter et de se poser sous nos pieds en Thaïlande. On s'est posé à l'aéroport de Phuket et il n'y avait que des avions de ligne, donc ils ne comprenaient pas. Ils nous disaient « mais vous êtes des mauvais pilotes, vous n'êtes pas capable de continuer votre route ». Donc au début, ils nous disent « non, non, pas possible, repartez tout de suite ». Il y avait une pluie, un orage incroyable, donc on insiste en disant « vraiment, là, on ne peut pas partir ». Finalement, ils acceptent une dérogation. Finalement, on va dans un petit aérodrome à côté où on pouvait y aller parce que c'était à quelques minutes de vol. Et là, on attend tranquillement. Et on se dit, bon, bah, puisqu'on est là et qu'on a du temps, en tout cas, avant de pouvoir aller au Laos, allons voir s'il n'y a pas une mission scientifique, s'il n'y a pas des choses à voir. Et ensuite, on essaie de repartir. Donc, on reva sur le petit aéroclub pour récupérer l'avion. Et là, il faut sortir du pays par l'aéroport international de Phuket où on avait pu se poser. Donc, on se repose à l'aéroport international. Et là, on doit ressortir pour faire les papiers d'immigration, etc. Puis, on veut re-rentrer dans l'aéroport. Et là, on ne nous laisse pas re-rentrer. Et là, on leur dit, écoutez, on est les pilotes, on doit pouvoir prendre notre avion. Et là, ils bloquent complètement. Non, vous n'êtes pas les pilotes, vous n'avez pas d'uniforme. On leur dit, mais écoutez, on est désolé, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir un uniforme. C'est que si on travaille pour une compagnie aérienne. Or là, on n'est pas une compagnie aérienne, donc on n'a pas d'uniforme. Et ils font, non, go buy a uniform and come back. Allez vous acheter un uniforme et revenez plus tard. Et donc ça commence à, on est là, non mais là, on ne va pas s'en sortir, ce n'est pas possible. Il y a une fenêtre météo maintenant, on a l'autorisation pour aller en Birmanie, on ne va pas la laisser passer, il faut qu'on y aille. Et finalement, on fait des pieds et des mains, on passe des coups de fil dans tous les sens, on va voir des responsables. Et ça se termine à peu près au bluff, où il y a Adrien qui prend son téléphone et qui dit « bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais appeler mes amis ». Et là, il prend son téléphone et il fait semblant de taper un numéro de téléphone. Et il commence à dire en anglais « bon, écoutez, je comprends vraiment pas cette situation, c'est pas normal, vous devez me débloquer ça, c'est quand même incroyable que dans votre aéroport, on ne nous laisse pas rentrer pour récupérer notre avion ». Et là, les gens se disent, oula, qui parle pour pouvoir dire, dans votre aéroport, ça se passe comme ça, c'est peut-être un responsable, ça a peut-être chauffé pour nous. Et ils viennent voir Adrien, ils lui tapent sur l'épaule, ils disent, c'est bon, vous pouvez raccrocher, vous pouvez y aller. Avec beaucoup de curiosité, de volonté, parfois un peu de bluff, Clémentine Bacry et Adrien Normier ont finalement bouclé le tour du monde. Lui est pilote de ligne, elle, avocate, ils pensent déjà à repartir.